Il est 1h. Mickaël Menten avec vous, bonsoir. On l'a appris il y a quelques minutes seulement, le match amical Belgique-Espagne n'aura pas lieu ce mardi. Il est annulé. En cause, la recommandation du centre de crise à l'Union belge de ne pas faire jouer le match suite au relèvement du niveau de la menace de 2 à 3 après les attentats de Paris. Ce troisième niveau sur une échelle de 4 définit la menace comme possible et vraisemblable. L'Union belge, en concertation avec les instances compétentes et l'équipe nationale espagnole, a donc décidé de suivre cette recommandation et de supprimer le match amical. L'Union belge dit comprendre la déception des supporters. Les détenteurs de tickets obtiendront plus d'informations dans le courant de cette semaine. L'enquête, elle se poursuit en France et en Belgique. On ignore toujours où se trouve l'ennemi public numéro 1. Salah Abdeslam, soupçonné d'être l'un des auteurs des attentats, il est toujours en fuite à l'heure qu'il est. Ce matin, une vaste opération antiterroriste a eu lieu à Molenbeek, à Bruxelles, pour tenter de le retrouver, mais sans succès. Par ailleurs, deux hommes sont désormais inculpés dans cette affaire. Ils ont été placés sous mandat d'arrêt suite à la vague de perquisitions menée ce week-end. Sept individus étaient suspectés d'être liés aux attentats de Paris. Cinq d'entre eux ont été relâchés. Et puis on revient sur l'actualité sportive avec ce résultat en football. L'Irlande s'est qualifiée ce soir pour l'Euro 2016 grâce à une victoire 2-0 contre la Bosnie, qui elle est donc éliminée. Il reste désormais deux billets à distribuer avec deux barrages retour ce mardi. Slovénie, Ukraine et Danemark, Suède. Et puis en tennis, Rafael Nadal a battu ce soir Stan Wawrinka au Masters de Londres. Victoire 6-3 6-2. Un peu plus tôt, c'est le Britannique Andy Murray qui s'est illustré à l'O2 Arena en battant David Ferrer sur un double 6-4. Voilà qui referme cette édition. Je vous souhaite une excellente nuit. Prochaines informations à 2h.